Le journal Internet des Coréens aux États-Unis, Minsok Tongsin, a présenté le 25 mars un article titré « Abolition de la loi sur la sécurité réprimant la presse ». L'auteur dit notamment « La loi sur la sécurité interdit l'éloge et l'encouragement en faveur de la patrie nord. Cette loi vicieuse sans pareil dans le monde doit être supprimée. C'est obligatoirement nécessaire pour la souveraineté et la démocratisation de la société sud-coréenne et l'unité nationale ».